I hear the kick, but I don't hear the I don't how can I say that I don't hear the yeah I don't hear the kick. Like if I have to cut all my bass part. Oh, okay. C'est que j'entendais pas, je ressentais pas ça. C'est juif, il aurait dû mettre plus de basse. S'il avait mis plus de basse dans son truc, j'aurais ressenti un peu plus son kick. Déjà avec le casque, on entend presque pas là, je sais pas, le kick par contre. Enfin, en tout cas pour moi. Ouais, c'est beaucoup. Alors, qu'avons-nous? Bien celui-là, mais je trouve qu'il fait trop téléphoné. Je vais partir sur un teinte à latino là, c'est longtemps que j'aimerais y avoir un latino, mais non, trop... j'ai envie de faire celui-là, mais il faudrait qu'on soit peut-être un peu plus, ça part dans tous les sens. Ah, si tu l'as. Tu voulais que je l'aie du coup, pour que tu... Comme tu veux, hein. Ouais, de toute façon, je l'avais pas synchronisé encore, donc... j'avais ni enregistré le look, ni rien. Alors, attends... sa synchronisation... Je Ah non, le tien était bien. Le tien était. Et en fait, le tien, j'ai l'impression qu'il complétait le mien, en fait. Le tien était pas dégueulasse du tout, au contraire. Je trouve que le mien, il manque un petit peu de kick. C'était si faible, j'avais pas mis le volume. Thank you. Take a tango, take a tango, take a tango, take a tango, take a tango, take a tango, watch out, watch out. Thank you. very nice. Well, guys, there is only one. Well, seems like there is only one thing I can do. Send me your PayPal. We're gonna make a group for every representation. I'm gonna send you some money for that. What do you think? Thank you. Coming. bit by bit you're gonna get used to it. The more you play, the more you're gonna really nail the bit by bit you're gonna get it, don't worry man. Keep going. Thank you.